Extrait du Voyage en Orient, par Monsieur Delaroy, édition de Bécourt 1836. Chapitre 22. Retour de Jérusalem, Saint-Jean d'Acre, extrait. Le jour qui suivit notre dernier regard jeté sur Jérusalem fut consacré aux préparatifs de notre retour. Le 27 octobre, nous quittâmes ce toit hospitalier où nous avions trouvé de l'affection et de la sympathie. Nous le quittâmes avec ce regret que l'homme éprouve quand il s'éloigne pour toujours des lieux où il a trouvé un peu de repos après de longues fatigues, où il a été accueilli comme on accueille un ami qu'on attend. Nous le quittâmes avec la promesse de prier les uns pour les autres. Ainsi nous conservâmes ce lien mystérieux des chrétiens, ce lien qui les unit tous dans une même pensée et dans une même espérance, qui, malgré les distances, malgré la différence des lois et des habitudes, ne les rend jamais étrangers les uns aux autres. Aussi nous pouvons compter que nous avons laissé là des frères, des amis, qui toute leur vie désireront notre bonheur et le désireront de la même manière que nous. Au même jour, nous adresserons à Dieu les mêmes prières, et nous serons présents devant lui, comme les membres d'une même famille devant leur Père commun. Et chacun de nous ne sait-il pas qu'il est placé dans ce monde comme un ouvrier envoyé dès le matin pour y remplir son œuvre, qu'il rentrera le soir pour trouver le repos et recevoir sa récompense, sous le même toit et chez le même maître? Quel puissant motif de nous aimer les uns les autres et de nous entraider dans nos peines! Nous suivîmes pendant notre retour le même chemin que nous avions pris en arrivant. C'étaient les mêmes lieux que nous parcourions, mais, trop remplis des grandes images qui s'étaient gravées dans moi depuis lors, je faisais peu attention à ce que j'eusse pu observer de nouveau. Ce ne fut que 4 jours après, en quittant Caïpha, que nous prîmes un autre chemin qui devait nous conduire devant Acre, ville que nous n'avions aperçue en allant que de très loin. Chapitre 23. Suite de notre retour jusqu'à Beyrouth, extrait. Depuis Caïpha jusqu'à Acre, nous suivîmes le bord de la mer, marchant sur un sable très fin. En approchant de la ville, une puanteur horrible s'exhalait de ses environs. Nous vîmes les corps des soldats, tués pendant le siège, à peine recouverts d'un peu de terre. Les cadavres des animaux gisaient en plein air en proie aux corbeaux et aux autres animaux carnassiers. Ce foyer d'infection avait produit un typhus violent dans la ville et les environs. Les habitants et les ouvriers qu'Ibrahim y envoyait sans cesse mouraient en foule. Malgré l'imminence de ce danger, malgré les avertissements répétés des médecins européens au service du pacha, l'administration ne se décide ni à enterrer ces cadavres, ni à les détruire. Elle les laissera exhaler leur miasme contagieux jusqu'à ce que les animaux ou la pourriture en aient fait justice. Nous couchâmes la nuit du 31 octobre au 1er novembre, cette nuit qui suivit le jour que nous avions passé devant Acre, dans l'intérieur d'un khan au bord de la mer, dans un village nommé Dib par les Arabes. C'était la première fois que cela nous arrivait, et nous n'avons plus été tentés de recommencer l'épreuve. Toute la nuit nous fûmes tourmentés par une multitude d'insectes qui ne nous permirent pas de prendre le moindre repos. Enfin, ennuyé de ce tourment sans relâche, je pris mon lit et je fus dormir à la belle étoile, où le sommeil ne tarda pas à venir, mais le matin, à mon réveil, je me sentis indisposé, accablé d'un mal de tête et d'une fièvre accompagnée d'une brûlante chaleur. Était-ce le résultat de ces émotions vives et nombreuses éprouvées dans mon voyage, ou le passage à Acre au milieu des miasmes pestilentiels avait-il déterminé cette fièvre? Ou bien était-elle produite par le sommeil en plein air de la nuit précédente? Je n'en sais rien. Peut-être ces trois causes y ont-elles contribué chacune pour leur part. Ce jour-là, je suivis encore la caravane dans son passage à travers la plaine de Sour. Nous campâmes cette nuit sous nos tentes, près de la rivière qui est à l'entrée de la plaine, du côté de Cède. Le lendemain suivant, au milieu de l'agitation de la fièvre, je poursuivis ma route jusqu'à cette dernière ville, où je fus obligé de m'arrêter, quoique je ne fusse plus qu'à une journée de Beyrouth, terme de notre voyage. Le 3 novembre, je vis partir la caravane avec regret. Je me séparai avec peine de ceux avec lesquels j'avais visité les mêmes pays et couru les mêmes chances. Monsieur de Lamartine fit pour moi tout ce qui était possible pour adoucir ses regrets. Un domestique de confiance me fut laissé pour me soigner, et Monsieur de Parseval, ce compagnon dévoué à tous ceux qui souffrent, se chargea par sa présence de remplacer ceux que je perdais. Je ne le louerai pas, car la louange lui est importune, mais je dirai que c'était presque lui qui s'obligeait quand je lui demandais un service, ce que j'étais très rarement à même de faire, car son active sollicitude prévoyait tout. Je passai là 2 jours dans l'inquiétude de cette séparation et de la fièvre. Je suppliai mes hôtes de m'embarquer. Monsieur de Parseval présidait à tous les préparatifs de ce départ pour Beyrouth. On me plaça dans un de ces petits bâtiments côtiers à moitié pontés, sous une tente qu'on avait dressée pour moi. Le trajet devait se faire en quelques heures, mais l'absence totale de vent ne nous faisant avancer qu'au moyen de 2 rames dont la barque était munie, prolongea ce voyage de 12 heures, et me fit passer une journée brûlante sous une toile qui m'étouffait. Enfin je revis Beyrouth. C'était presque revoir ma patrie. Je revis cette chambre où j'avais déjà logé, et tous ceux avec lesquels un long voyage m'avait fait contracter la douce habitude de l'intimité. C'était retrouver une maison et une famille. Ma position allait en s'aggravant, un sommeil comateux s'empara de moi, jusqu'au point de me rendre entièrement insensible à tout ce qui m'entourait. Quelques rares instants de réveil, causés par ceux qui me soignaient, dans le dessein de me faire donner un peu de boisson, me faisaient seuls entr'ouvrir péniblement les paupières. Rien n'interrompait cet état que des gémissements lents et profonds, poussés sans conscience. J'étais ainsi quand le coup d'œil d'inspiration de Madame de Lamartine la détermina à essayer une révulsion puissante, au moyen des cantharides. Ce moyen réussi, ma tête se dégagea, et je pus reconnaître avec quel soin, quelle sollicitude on s'occupait de moi. Si, dans ma maladie, je regrettais quelquefois la présence de ma mère, ce n'était pas pour être mieux. Chacun mettait dans ses soins un zèle, une charité que je ne puis rendre. Quand, après 20 jours de maladie, une convalescence peu franche m'apporta une lueur de raison, j'aperçus que tantôt Monsieur de Lamartine, tantôt Madame, d'autres fois mes autres compagnons de voyage, venaient s'asseoir près de mon lit, afin d'occuper doucement mes pensées, de les empêcher par là de se porter avec douleur vers mes foyers lointains, et de m'éviter ainsi un mal plus grand que celui de ma maladie même. Qu'il est doux à l'homme souffrant et éloigné de son pays de se sentir ainsi consolé, il faut avoir goûté ces témoignages d'affection et d'amitié dans de telles circonstances pour apprécier l'impression qu'ils font. Si j'entre dans ces détails de ma maladie, c'est afin de témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont environné dans ce pénible moment. Mark M. Dan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique.